Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. On se retrouve aujourd'hui enfin à l'heure habituelle pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Nous allons aborder aujourd'hui et dans les prochaines semaines le cinéma comique français. Comme toujours, je donnerai la définition du cinéma comique français. Je parlerai également de ses caractéristiques, de la comédie sociale et ceci sera la première partie. Commençons donc tout de suite par donner la définition du cinéma comique français. Le cinéma comique français englobe des films comiques produits en France, destinés à provoquer le rire, jouant sur les gags, l'humour, les situations et ou la dimension sociale des personnages. Le comique est d'ailleurs le genre français le plus populaire au cinéma. La comédie au cinéma, dans sa perception actuelle du terme, est synonyme de comique tant pour le public que pour la critique. Si la comédie existait bien avant l'invention du cinéma sous forme de théâtre puis de musique, elle est présente dès le début du 7e art. L'un des tout premiers films de Louis Lumière, intitulé « L'arroseur arrosé », est du genre comique. En France, Max Linder, durant les années 1900, 1910 et 1920, en fut le fer de lance, le meneur. Avec l'avènement du parlant en 1927, le cinéma comique prend un autre essor, le rire pouvant désormais être provoqué non plus seulement par le burlesque des situations, mais aussi par les dialogues. Toujours très prisé du public, autant que publicité, le cinéma comique français compte nombre de films qui s'inscrivent parmi les plus grands succès du box-office en France. Certains ont fait l'objet de remakes dans d'autres pays et ont eu un grand succès mondial, parfois récompensé par des prix. Passons maintenant à la prochaine partie de cette chronique en parlant des caractéristiques du cinéma comique français. Les films français de comédie sont très souvent des comédies sociales. Parmi les arguments comiques, on trouve notamment et parfois mêlés le comique de situation, le quiproquo, le sous-entendu, le comique de geste, le comique de répétition, le comique de mots et de phrases, les mots d'esprit ou encore l'humour noir, le fait divers et ou le fait historique. Bien que moins souvent utilisé, le cinéma comique en France n'ignore ni le fantastique ni la science-fiction. Voici quelques illustrations par exemple. Le célèbre acteur comique Derek Cole, né en 1925 et mort en 2006, se rend célèbre par son zézément, qui est le fait de prononcer « z » au lieu de « j », comme dans la phrase « je veux » au lieu de « je veux » ou de prononcer « s » à la place de « ch ». Zézéier est synonyme de zozoter. Jean Richard, lui, se rend célèbre pour son accent imité de paysan, ce qui constitue le comique de mots et de phrases. Tandis que Sacha Guitry se fait une spécialité des mots d'esprit, Louis de Funès incarne quasiment à lui seul, par ses mimiques, le comique de gestes. Les films L'Auberge Rouge de Claude Autant-Lara ou encore L'Armoire Volante de Carlo Rim, ces deux films avec le célèbre acteur Fernandel sont un aperçu de l'humour noir à la française, entre guillemets, au cinéma. La Seconde Guerre mondiale, et plus précisément la période de l'occupation, est à l'origine de nombreuses comédies. Nous pouvons citer parmi les plus connus La Grande Vadrouille avec Louis de Funès et Bourville, La 7ème Compagnie au Clair de Lune avec Jean Lefebvre, Pierre Mondy ou encore Henri Guibet, ou encore Papy fait de la Résistance avec Christian Clavier, Michel Galabru, Roland Giraud, Gérard Jugnot, Martin Lamotte ou encore Dominique Lavanant. Le film dit de Bidas a par ailleurs donné lieu à un genre à part entière. Je le traiterai dans une prochaine chronique. Le personnage joué par Nathalie Baye dans le film Passe-Passe de 2008 de Tony Marshall n'est pas sans rapport avec Christine Devielle-Joncourt impliquée dans l'affaire Elf. Si Alain Gessua, en 1984, avec Frankenstein 90, réinvente sous forme de comédie fantastique le mythe de la créature de Marie Shelley, peut-être en 1999 de Cédric Clapiche, ou encore Amazon sorti en 2000 de Philippe de Broca, mêle science-fiction et comédie. Passons maintenant à ce que nous appelons dans le monde du cinéma la comédie sociale. La comédie française utilise parfois le ressort de la comédie communautaire, comédie sociale, que l'on trouve principalement en France, comparé à d'autres pays comme les États-Unis. Ceci est lié à diverses raisons, dont culturelles. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains films comme Intouchables avec Omar Sy et François Cluzet ont eu du mal, dans un premier temps, à s'imposer outre-Atlantique. Il y a également eu un choc culturel avant d'avoir une acceptation de la culture. En effet, le choc culturel que l'on retrouve dans de nombreuses comédies françaises peut être dû à des différences plus ou moins réelles. Certaines étaient plutôt des clichés liés à la religion comme on peut la retrouver dans les films Les Aventures de Rabbi Jacob dans les années 70, La Vérité si je mens dans les années 90, comme Thi et Belle dans les années 2000 et Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu dans les années 2010. Liés encore au milieu social comme il en est question dans les films La vie est un long fleuve tranquille dans les années 80, Neuilly sa mère est intouchable dans les années 2010. Liés à des différents lieux comme dans Bienvenue chez les Ch'tis ou Vive la France dans les années 2010. Liés à des modes de vie totalement différents, comme dans Les Baba Cool dans les années 80, avec, comme son nom l'indique, une communauté Baba Cool, La Belle Verte dans les années 90, avec une communauté extraterrestre. Liés à des périodes de temps différentes, comme il en est question dans la série de films Les Visiteurs, avec Christian Clavier et Jean Reno dans les années 90. liés à la différence de vie dans un monde parallèle, comme dans Jean-Philippe avec Fabrice Luchini et Johnny Hallyday, ou dans Les Deux Mondes, ces deux films dans les années 2000. Liés à la pauvreté, comme c'est le cas dans Viens chez moi, j'habite chez une copine dans les années 80, une époque formidable dans les années 90. Liés à l'homosexualité, comme on peut le voir dans La cage aux folles dans les années 70, Gazon maudit, Pédale douce et Pédale dure dans les années 90-2000. Par extension, la communauté dans les comédies peut être enseignante, comme dans Prof dans les années 80, Le plus beau métier du monde dans les années 90, ou peut-être policière, comme c'est le cas dans Les Ripoux dans les années 80. La comédie peut également avoir énormément de succès sous forme de duo. En effet, comme disait Georges Feydeau, auteur dramatique, peintre et collectionneur français, dans le comique il y a deux personnages, celui qui donne des coups de pied au derrière et celui qui les reçoit. Fin de citation. À côté des années 50, les comédies françaises reprennent le principe des buddy movies américains. Comprenez ici les films de potes, qui sont les films avec à l'affiche des duos comiques composés de personnages radicalement opposés. Certains duos se reforment à l'occasion de différents films. Dans les années 50, nous pouvons citer Louis Funès et Bourvil dans Poisson d'avril, La Grande Vadrouille, Le Corneau. Nous pouvons citer également Fernandel et Gino Cervi dans la série de films Don Camillo. Dans les années 60, nous retrouvons Louis de Funès, mais cette fois-ci avec Jean Marais dans la série de films Fantomas. Toujours Louis de Funès avec Michel Galabru dans la série de films Le Gendarme. Dans les années 70, nous retrouvons Gérard Depardieu et Patrick Devers dans Les Valseuses, Michel Serrault et Hugo Tognazzi dans la série de films La Cage aux Folles. Dans les années 80, nous retrouvons les duos avec les François Pignon, interprétés respectivement par Jacques Brel, Pierre Richard, Jacques Villeray, Daniel Hansan, Danny Boone, Régis Laspalès, Daniel Auteuil, Gad Elmaleh, Patrick Timsit, Gérard Jugnot, Elie Semoun et les François Perrin, interprétés respectivement par Pierre Richard, Patrick Devers, Jean-Pierre Marielle ou encore Patrick Bruel. On retrouve, toujours dans les années 80, le duo Philippe Noiret et Thierry Lhermitte dans la série de films Les Ripoux. Dans les années 90, nous retrouvons les duos Jean Reno et Christian Clavier dans la série de films Les Visiteurs. Gérard Depardieu et Christian Clavier dans la série Des Anges Gardiens, ou même dans les premiers films Astérix et Obélix, ou encore Samina Seri et Frédéric Diefenthal dans la série des films Taxi. Dans les années 2000, nous retrouvons le duo Cadmirad et Danny Boone dans Bienvenue chez les Ch'tis. Et dans les années 2010, nous retrouvons à nouveau le duo Cadmirad et Danny Boone dans Super Chondriaque. Et nous retrouvons également le duo François Cluzet et Omar Sy dans Intouchables, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cette chronique. L'un des duos les plus connus demeure celui formé par Louis de Funès et Bourvil. De façon générale, Louis de Funès représente le patron toujours en colère et pensant avoir tous les droits, tandis que Bourvil campe face à lui un personnage sensible et obéissant. Le film Les Anges Gardiens de Jean-Marie Poiret, avec Gérard Depardieu et Christian Clavier, présente deux duos. En effet, dans le premier duo, Gérard Depardieu joue le rôle d'Antoine Carco, homme malhonnête qui dirige une boîte de striptease, tandis que Christian Clavier joue le rôle du père Hervé Tarin, un prêtre investi dans l'humanitaire. Dans le deuxième duo, les anges gardiens respectifs sont asymétriques par rapport au premier. Gérard Depardieu joue le rôle d'un ange, tandis que Christian Clavier joue le rôle d'un démon. C'est ainsi que se termine cette première partie sur le cinéma comique français. Dans la deuxième partie que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons de l'histoire du cinéma comique français. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radiogemozo.eu, tout attaché, sans accent et avec un T à la fin de Mozo. Et comme d'habitude, je vous invite à nous partager votre avis sur ce nouveau numéro de La Cristoire du Cinéma sur notre page Facebook Radio Gemozo en nous appelant au 03 29 62 40 40 ou encore à venir nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Mirmont. Nous serions ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, moi je vous laisse ici. Prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.